Certain Soul, tous les mardis de 18h à 19h, présenté par Huggy Anton et Guillaume. Certain Soul. Ça y est, c'est devenu une très bonne habitude, le rendez-vous Heart and Soul pour plein de bonne humeur et de bonne musique surtout. Et tout à fait, donc le rendez-vous du mardi soir, hein, donc bonjour à tous, bonjour Guillaume. Comment ça va? Ça va bien. Passez un bon week-end? Très bon week-end. Hein, ouais. On a créé du MySpace, j'ai vu. Ah ouais, un nouveau MySpace pour, pour la musique. Ah bah tiens, il faut devenir musicien un jour ou l'autre, hein, ça c'est sûr. Bon alors, programme de la soirée, je vois qu'il y a des choses assez alléchantes, j'ai l'impression, notamment en deuxième partie. Hein. Tout à fait, donc la première partie news avec une bonne sélection bien ensoleillée pour profiter du soleil, pour vous donner le sourire également. Et barbecue aussi. Voilà, Ça, de toute façon, c'était sûr. Hein. Ah, ben ça, fallait s'en douter, je l'attendais. Fallait placer le mot aujourd'hui. Donc une première demi-heure avec 5 news que j'ai sélectionné parmi beaucoup encore une fois cette semaine, le choix fut difficile. Une deuxième partie avec un mix d'un artiste dont on parle beaucoup dans l'émission et dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Gorge. Ouais. Ensuite le petit agenda avec j'ai eu du mal à trouver des soirées mais j'en ai trouvé quand même quelques-unes. Il y a de quoi faire quand même ce week-end. Et un petit track rétro pour la fin justement, on a une transmission de pensée. Exactement, les grands esprits se rencontrent, hein, on dit toujours. Et je sais qu'on a écouté aujourd'hui, hein, j'ai reçu pas mal de messages. D'ailleurs, il y a Rome de New Loop qui fait péter au magasin là. On passe un petit coucou au passage. Ça, c'est une bonne chose. Avec ça, avec cette émission, t'es sûr de vendre que de la plaque. Note bien les titres et tu peux commander, t'inquiète. Allez, on commence tout de suite avec les premières news de la soirée. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Un artiste justement que vous entendez en boucle lorsqu'on parle au-dessus, on met beaucoup ce morceau-là, c'est le même. C'est Kent Phonik, un artiste très deep qui fait vraiment du bon son. Et là, il sort un nouveau titre qui s'appelle Happiness, dédicace d'ailleurs à Emric. Hein. Oh oui. Et c'est sur un label, ma foi, très intéressant. C'est le label multiracial qui regroupe un peu tous les styles de house de différents continents. Donc très bon concept, c'est idéal pour commencer la première émission Heart and Soul. Et c'est la première news de la soirée. dernière production de Kent Phonik avec le titre Happiness, ce label multiracial. C'est un nouveau label, je ne sais plus ce que... C'est un label digital en fait, qui représente un peu tous les continents de la house. Et... Oh merde, Romu. Ah exact. Ouais. J'ai pas perdu. Pas dire ouais, je me suis là, Guiba. Ah ben, hey, Nulo porte une section MP3. Ah exactement. Voilà une bonne idée. Un peu de pub en même temps. Hein. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. C'est pas encore la cellule de crise, Guy. Si avec ça, j'ai pas de... si avec ça, j'ai pas de réduction la prochaine fois que je vais, je comprends pas. C'est donc une très bonne deuxième nouveauté qui s'entend derrière, qui arrive, c'est Peven Everett, avec le titre Church, sur son label digital qu'il a créé rien que pour ses prods, c'est le label Unified. C'est une très très bonne pod, et c'est le remix de Sting, mais pas le Sting que l'on connaît. En tout cas, c'est le Sting Instrumental Mix, et il est vraiment terrible. petit xylophone bien sympa, hein. Ah, tout à fait. Le PV Nevret célèbre justement pour ses instrumentaux toujours bien recherchés. En tout cas, je vous conseille toutes ses prods, c'est toujours bien classe. Donc là, c'est la toute dernière. C'était PV Nevret avec le titre Church, dispo sur son label digital, le label Unified. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Et on revient vite fait vers la France avec un artiste qui s'est expatrié du côté de Barcelone et qui était un Parisien, mais vous le connaissez sûrement, c'est notre ami DJ Fudge avec le titre Opal, dispo sur le label de Dani Marquez, le label Bubble Soul, très bon label et également une très bonne sortie. Ça faisait longtemps qu'il nous avait rien pondu, notre ami Fudge. Ah bah voilà. Et c'était, voilà, l'œuf est parti. Il était donc une des parties des Troublemen avec Bruno Banner, pour ceux qui connaissent les plus gros classiques. Et donc c'est la troisième news déjà, on entend le téléphone sonner derrière. C'est parti. Je viens de le couper. Galaxy avec un instant DJ Fudge pour revenir en France avec un très bon producteur. Hein. Tout à fait. Pas mal de donc un des boss du label Kif, avec beaucoup de bonnes sorties. D'ailleurs, la discographie est tout simplement terrible. Si vous voyez ce label, vous pouvez acheter, c'est synonyme de qualité. En tout cas, pour tous ceux qui aiment la house, c'est donc dispo sur le label Bubble Soul, le label de Danny Marquez, label digital. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Alors un exercice bien difficile auquel se sont ont tenté de relever en tout cas le défi. Le défi c'est The Collective versus Payton avec le titre Promise Land. Donc c'est le Collective Club Mix dispo sur le label de Jamie Lewis, le label Purple Music, un label helvétique. En tout cas, je vous en laisse juge à savoir si vous préférez l'original ou la version. En tout cas pour nous c'est déjà tout fait. Ah ouais. Mais ça risque quand même de tourner pas mal à mon avis sur les ondes ou au niveau des compiles. Donc en tout cas on vous laisse juge. C'est donc The Collective versus Payton avec Promise Land. L'avant-dernière nouveauté avant d'enchaîner avec le coup de cœur, c'était The Collective versus Payton, un petit réédit. Hein. Voilà, un petit réédit de Promised Land. Ça se laisse écouter, mais perso, voilà, rien de tel que l'original. On le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Joe Smooth Promised Land. Donc, dispo aussi en ressorti en, et d'ailleurs remasterisé en digital. Donc, si vous ne l'avez pas dans votre petite collection en vinyle sur le label original, n'hésitez pas à le download légalement, bien sûr. Voilà, bien sûr. Allez, tout de suite, le coup de cœur de la semaine. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Un artiste que j'ai découvert il y a peu, ça nous vient d'Allemagne. C'est tout simplement terrible, c'est très efficace sur vraiment du gros son, ça s'entend déjà derrière. Ça peut déjà vous faire bouger même dans la voiture, je vois vous remuer la tête là. Je vois Romu en train de danser derrière son petit bar. Merci pour toi. Allez, vend des disques là un peu. Et donc c'est donc Bear Weasel avec le titre Where's Ratty, c'est dispo uniquement en digital. C'est tout simplement terrible, ça se laisse écouter. Et c'est parti, ça groove, ça groove, ça groove, ça groove dans Art and Soul. Le coup de cœur de la semaine avec une production bien sympa, hein, un peu minimale, mais très deep encore. Hein, voilà, avec, bien groovy, ça percute bien, ça roule tout seul. On voit les épaules qui roulent sur le dance floor, c'est parfait. Les bourrelets aussi, pour certains et certaines. Certaines surtout. Donc c'était Beer Weasel avec le titre Where's Ratty, dispo en digital. C'est une très bonne sortie qui ne pouvait être que coup de cœur, ma foi. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Alors, l'artiste de la semaine, on vous en a parlé en début d'émission, et ma foi, c'est quand même un artiste récurrent dans l'émission Art & Soul, qui cartonne un petit peu partout. Hein. Tout à fait, en plus c'est vraiment un artiste très productif. En ce moment, il sort quasi un remix toutes les semaines, ou au moins une prod toutes les semaines, sur de très bons labels en plus, et il tourne aussi pas mal en DJ. Donc on va vous le présenter un peu plus. Donc, Qui est Gorge? C'est un collectionneur de chats. Ouais. Ouais, il collectionne les chats. D'accord. Mais les Maoris et des trucs comme ça. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Les chocs à pique aussi. Et donc en fait, c'est un artiste allemand qui est le manager du label 8Bit, pour ceux qui connaissent, ce label qu'on présente aussi souvent dans l'émission. Mm-hmm. Il a un acolyte d'ailleurs qui tient aussi ce label, c'est donc Nick Curly. Donc ça fait un bon duo, en tout cas un bon duo de propriétaires. On se doute déjà de la qualité du label, donc c'est normal qu'on en diffuse régulièrement. Logique. Niveau DJ set, c'est pas mal. Franchement, je vous le conseille. Il y a quelques mix. Je pense qu'il y a un mix sur son MySpace qu'on peut download. Donc c'est trois. Je le sais même plus sur MySpace en fait. De Gorge. Ouais. Oh, vous allez dans MySpace Music, vous tapez juste Gorge et vous allez tomber directement sur lui. Alors attention, Gorge, j'écris G-O-R-G-E. Ouais, hein. Tout à fait. Ouais. Pas confondre avec. Pas. Ouais. D'accord. Voilà. J'ai un petit mal. Donc c'est G-O-R-G-E, voilà, vous allez en savoir plus. Et vous avez pas mal de ces prods qui sont d'ailleurs à l'écoute. Vous pouvez écouter ça. En tout cas, c'est un artiste ici qui est très récurrent, que vous allez sûrement retrouver bientôt dans la région. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ah. Et donc voilà. Donc pendant la prochaine demi-heure, n'hésitez pas, si vous avez des titres que je diffuse qui vous plaisent, n'hésitez pas, 03 20 83 57 57. Vous pouvez à tout moment demander les titres, on vous les communiquera avec plaisir. Et donc on va aller écouter ça tout de suite. Et bien c'est parti avec donc le mix de Gorge sur Galaxy. C'est l'artiste de la semaine. Écoutez bien, c'est que du bon son. Et c'est forcément dans l'émission Art & Soul. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter au 03 20 83 57 deux fois pour connaître toutes les références, tous les titres, les labels, etc. Si vous avez un titre que vous aimez et qui sera diffusé dans les prochaine minute. Allez, tout de suite avec Gunton. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. bon mix, hein. Je savais pas que t'allais. Ah, ça rafraîchit un coke, hein. Ah, ça rafraîchit bien. Ça rafraîchit bien. Le mix de Huguenton avec que des titres de gorge, voilà, qui est un artiste de la semaine. Un peu un best-of des titres actuels que je joue beaucoup et qui tourne beaucoup aussi dans les plateformes de vente, etc. Donc, big up à gorge. Exactement. On peut peut-être rappeler vite fait quelques titres justement qu'il a mis. C'est une musique profonde. Voilà, t'as pas un petit mal de gorge avec. C'est une gorge profonde, quoi. Deep Throat. Yeah. C'est mieux comme ça. Ça passe mieux. Bon, très bien. Je crois qu'on va enchaîner avec l'agenda. Bah écoute, je pense. Hein, en tout cas, je vais peut-être faire juste le rappel des. Allez, vas-y, le rappel des titres pour ceux qui veulent, parce qu'il y a eu des appels. Donc pour le premier titre, c'était Garuna, suivi de. Garuna, c'est sur le label 8-bit, suivi de Marashi Dispo sur le label de Denis Fer, le label Objectivity, que vous avez présenté d'ailleurs dans l'émission, suivi de Soupik, c'est dispo sur le label Free Range, ensuite c'était Bambosa, c'est dispo sur le label je ne sais plus, c'est sur une compile, c'est Deep House Extravaganza, c'est bien ça, et on finit là avec ce que vous entendez derrière, c'est Cassiandre, dispo également sur Free Range, donc voilà, très bon label. Le meilleur du clubbing et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Art and Soul. Art and Soul. Alors, les beaux jours reviennent. Alors forcément, c'est l'occasion de sortir un petit peu. Après, éventuellement, un bon barbecue. Vous êtes bien rempli de la panse. Voilà. Barbecue, 12 à 16 personnes. Hein, pas non plus en dessous. Et justement, des idées de soirée valables pour ce week-end proposées par Guy. Alors, on commence ce vendredi 24 avec du côté du Décadence, un peu tous les résidents réunis, mais avec en guest Ramon Tapia, donc un Belge qui produit également pas mal de bonnes sorties en ce moment, à suivre. Ensuite, du côté sur la capitale, donc il y a pas mal de bonnes soirées également avec donc du côté du Queen, c'est Greg Seron qui sera accompagné de Dafresh pour une soirée un peu plus électro. Grosse soirée au June avec deux kings de la house, c'est Kevin Yost dont on parlait il me semble la semaine dernière, exact, accompagné de King Brit, donc pour les soirées c'est les soirées open house, donc c'est notre ami Paco de l'époque qui venait souvent jouer dans la région à l'époque, qui organise sur ces soirées, donc c'est du côté du June. Si vous êtes sur la capitale, c'est à ne pas manquer. Également du côté de l'Étoile Club, c'est Jimmy Lewis qui se produit là-bas, donc le boss du label Purple. Donc il y a pas mal de bons artistes house cette semaine sur la capitale, donc n'hésitez pas si vous êtes. En plus c'est à une heure de train, donc n'hésitez pas à faire le déplacement. Exactement. À une heure de voiture maintenant, c'est du côté du café d'Anvers. Ce sera une soirée un peu plus électro, c'est Audiofly qui sera à l'honneur, donc qui signe beaucoup sur Get Physical en ce moment. Très bon artiste qu'on entend régulièrement d'ailleurs sur les ondes. Samedi 25, alors là. La soirée à ne pas manquer, je pense que c'est les 15 ans du Fuse. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de cette soirée, donc une pléiade de DJ, et pas des petits DJ. Hein. Non, bah non. Donc on va un coup de fil. Allez, on va appeler un coup d'œil rapide. C'est marrant, j'appelle un ami. À la vue d'un Flyers, on peut perdre ses moyens. Donc entre autres, vous retrouverez au Fuse Adam Beyer, Ricardo Villalobos, Dev Clark, Magda, Marc Hull, Monica Cruz, Raresh, accompagné des résidents. Tout cela sur le site du Tour et Taxi. Donc ça promet une grosse soirée. N'hésitez pas si vous ne savez pas quoi faire samedi, c'est vraiment l'occasion de sortir. Exactement. Donc du côté du Colors à Mons, c'est la soirée Colors My Mind, accompagnée de Spirit Catcher et de Fabrice League. Du côté de Bruges, c'est notre ami Brodinski qui sera par là, accompagné de au Cactus. D'ailleurs, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais apparemment Tiga, Brodinski et un autre DJ seront au Platinum Club ce vendredi, mais j'avais pas eu plus d'infos, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah d'accord. Donc à surveiller si vous êtes sur le net, n'hésitez pas à vérifier ça. En tout cas, ça serait con de rater ça. Exactement. D'ailleurs Tiga, il sera dans le coin tout le temps, puisque samedi sera du côté du Social Club à Paris. Donc si vous êtes sur la capitale encore, ne manquez pas. Et pour clôturer le week-end en beauté, dimanche 26, il y a la classique Dance Culture au June, c'est de 18h à minuit. C'est Timmy Regis Ford qui sera au platine, un artiste dont beaucoup, je sais, de DJ Deep kiff. Il y aura pas mal qui font le déplacement d'ailleurs. C'est accompagné de Greg Gauthier, c'est au June, c'est de 18h à minuit. C'est original de sortir de 18h à minuit. Et en tout cas là-bas, les gens jouent le jeu. Exactement, et puis l'ambiance est plus folle. Forcément, on loupe le barbecue le soir. Bon, ça peut être sympa aussi. Tiens, justement, est-ce que tu as des news du club The End? Parce que bon, on avait parlé qu'en début d'année. Ils sont fermés. Bon, comme ça, c'est clair. Non, mais en plus, j'étais à Londres la semaine dernière. Oui. Et bah, j'ai essayé de pister un peu ce qui s'était passé. Je suis vraiment passé devant le club et donc bah, ils ont une porte close. Donc c'était pas de l'intox ou quoi. Est-ce qu'ils vont rouvrir un jour? Bonne question. En tout cas, ils ont fait pas mal de bonnes soirées. J'ai vu qu'ils ont fait Laurent Garnier avec Layo et Bouchaka. Vraiment tous les résidents mythiques du club. Tout s'est déroulé sur 2 mois, comme je vous l'avais prédit. Et apparemment, ça s'était vraiment bien passé. Il y a eu de grosses soirées. C'était un peu. Il y a eu pas mal de gens qui regrettent le club. Mais bon, il y a quand même d'autres endroits sur Londres pour sortir. Il y a notamment la Fabrique. Donc bah, tout n'est pas perdu du côté de Londres. Impeccable. Je te laisse présenter le track Remember. Bien sûr. Donc cette semaine, je vous ai sélectionné un petit track d'anthologie avec notre ami Yann Poulet qui a sorti Yann Pouli, pardon, parce qu'un poulet, ça tu fait penses un peu, déjà barbecue là. Non, ça va pas. Ça fait un peu poulet braisé quoi. Donc c'est Yann Pouli avec le titre Core de Memory. C'était remixé par les Daft Punk et c'était une pure tuerie sortie sur le label Force INC et de 1996 à écouter et à posséder absolument. Earth and Soul, tous les mardis de 18h à 19h. Just don't. ça fait du bien tout ça. Hein. Ça rappelle des souvenirs à beaucoup, je pense. Ah, je crois que oui. C'était donc DJ Sneak. Non, c'était Yann Pouli. Yann Pouli, autant pour c'était moi. C'était le DJ Sneak qui était prévu. Voilà, non. Mais donc, on a préféré mettre le Yann Pouli. C'est donc le Corn Memory, remixé par les Daft Punk. Donc, c'est de 1996, dispo sur le label Force INC pour ceux qui possèdent cette petite galette. Et qui vaut son pesant d'or. Je pense. Guy, merci pour cette nouvelle émission avec plein de bonnes choses que tu nous as fait écouter ce soir. Bah, écoute, merci à toi, Guillaume. Un plaisir comme tous les mardis. Ouais. Ah, bah, comme d'habitude, hein. T'as fait un petit micmac. Ouais, non. Un peu à la... Enfin bon. Donc on se retrouve mardi prochain en pleine forme, toujours dans la bonne humeur. Exactement. Plein de choses en plus. Et plein de news qui vont vous attendre. Décidément, il y a un pénéfice et ça finit en loupe, c'est ça, quoi. Oh, il doit peut-être être rayé, c'est possible. Non, il reste encore 30 secondes. Là, je vois d'ici. Bon, merci encore une fois, Guy, pour cette excellente émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau mix. Et puis, côté booking pour toi, ce week-end, à part l'escape. Ce week-end, donc vendredi, je suis dans un bar de Lille qui s'appelle Au Lillois. Donc ça c'est pour vendredi soir. Je joue de 23h à 1h pour ceux qui voudraient passer. L'entrée est gratuite d'ailleurs. Ouais. Et pour samedi, du côté de l'Escape, pour la soirée Stop Playing With My Mind. Et avec les résidents habituels. Et ça promet d'être une bonne soirée encore une fois. Très bien, Huggy, je te souhaite une excellente semaine. Et puis à mardi prochain. À mardi prochain.